De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous accueillons maintenant Hélène Gélot. Hélène est éditrice et journaliste scientifique. Elle a notamment écrit dans le magazine de sciences français Pour la Science. Nous sommes donc très heureux de l'accueillir à Futur Simple. Bonjour Hélène. Bonjour Valérie. Et donc tu as choisi de nous parler de la domestication du chien. Et de nous expliquer en fait d'où vient notre compagnon de vie. Oui, exactement. Donc la question de savoir où et quand le chien a été domestiqué, c'est une question qui a animé pas mal de débats au sein des scientifiques. Parce que le chien tel qu'on connaît aujourd'hui, à qui on donne à manger, avec qui on joue dans le jardin, qui remue la queue quand il nous aperçoit, bah ça n'a pas toujours été un chien. Et il y a très longtemps de ça, bah avant c'était un loup. Alors, peut-être pas un loup en tout point identique au loup qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas, un animal donc sauvage, pas encore domestiqué, qui pratiquait la chasse, qui n'aboyait pas, qui avait des grandes dents et les oreilles dressées. Un peu moins sympathique. Oui, un peu moins sympathique. Et en fait, les scientifiques, ils savent très bien, lorsqu'ils se retrouvent en face d'un reste de fossiles de canidés sur un site archéologique, déterminer si c'est un chien ou si c'est un loup. Notamment, ils peuvent le déterminer grâce à la taille et à la forme des mandibules, les os de la mâchoire, mais aussi à la taille et à la forme du squelette, du crâne, etc. Alors justement, de quand datent les premiers chiens fossiles ? On sait que les plus vieux fossiles de chiens, ils remontent à 12 500 ans en Asie et 15 000 ans en Europe. Certains scientifiques pensent même que le plus vieux fossile de chien aurait 30 000 ans, mais là, c'est encore débattu. Donc, disons, de sources sûres, au moins 15 000 ans, ce qui nous renvoie du coup à l'époque du paléolithique. On est avant le début de l'agriculture. À l'époque, les hommes préhistoriques étaient encore chasseurs-cueilleurs et nomades. Donc, le chien est le premier animal qui a été domestiqué par l'homme. C'est donc une histoire d'amitié qui dure depuis bien longtemps. Et c'est pas un hasard si le chien est capable de lire nos expressions et nous comprendre si bien. C'est probablement lié à cette longue histoire commune. C'est ça, exactement. Donc, à quel moment et où est-on passé du chien au loup ? Comment s'est fait cette transition ? Du loup au chien. Du loup au chien, oui. On ne veut pas de retour dans l'autre sens. Non, a priori, ça ne va pas marcher comme ça. Alors, c'est une question qui a été assez débattue et qui l'est toujours un peu, mais on pensait jusqu'à l'année dernière que, enfin, en tout cas, là, beaucoup de scientifiques pensaient que le chien avait été domestiqué une seule fois, puis qu'il s'était répandu à travers les continents. Donc certains chercheurs pensaient qu'il avait été domestiqué en Europe de l'Ouest, d'autres soutenaient qu'il avait été domestiqué à l'Est de l'Asie, d'autres encore en Asie centrale. Mais une nouvelle étude publiée en juin 2016 dans la revue Science vient réconcilier ces différentes approches. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette étude ? Bah, tout d'abord, faut dire que donc c'est une étude qui réunit le travail d'une trentaine de chercheurs issus de 15 laboratoires différents, notamment en Angleterre, en Irlande et en France. Et ils se sont notamment appuyés sur un fossile de chien retrouvé sur le site de Newgrange en Irlande, qui est daté, donc le chien est daté à 4800 ans. Ils ont entièrement séquencé son génome, c'est-à-dire qu'ils ont décodé l'intégralité de ses gènes pour pouvoir les comparer avec ceux d'autres individus. Et ils ont aussi étudié des séquences d'ADN mitochondrial de 59 autres chiens anciens d'Europe et d'Asie. Et grâce à ça, ils ont découvert en fait qu'il y avait deux groupes génétiques principaux qui se dessinaient, qui ressortaient, un en Europe et un à l'est de l'Asie. Ils ont remarqué aussi qu'on voyait petit à petit les individus appartenant au groupe génétique de l'Asie se déplacer au fil des années, à partir d'au moins il y a 8000 ans, se déplacer vers l'Europe de l'Ouest. Oui, c'est ça. Ouais, alors qu'est-ce que ça veut dire en fait, ça, que ces chiens de l'Asie se sont déplacés vers l'Europe de l'Ouest ? Qu'est-ce qu'ils en ont conclu ? Ils en ont conclu donc au moins deux choses. Le fait qu'il y ait deux groupes génétiques distincts, ils en ont conclu qu'il y avait eu deux domestications indépendantes à partir de deux populations différentes de loups. Ouais. Donc ça a réconcilié tous les scientifiques qui se battaient pour savoir où il avait été domestiqué. Donc il y en a sûrement eu une en Europe de l'Ouest et une autre en Asie. Puis les chiens de l'Est sont venus progressivement remplacer la population européenne. Alors pas complètement, mais les chercheurs ont aussi étudié le génome d'espèces actuelles. Ils ont découvert que de 60% à 80% des chiens actuels sont plus proches génétiquement des chiens anciens d'Asie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les migrations de ces chiens de l'Est vers l'Ouest, elles suivent les migrations humaines aux mêmes époques. Donc ça n'a rien d'étonnant, puisque... Ouais, ils sont venus ensemble. Voilà, hein, exactement, ils ont suivi leur maître. Ouais, mais en tout cas, ça vient étayer ces résultats et ça permet de retracer avec encore plus de précision l'histoire du chien en commun avec celle de l'homme. Donc là, on voit un petit peu d'où vient, où est-ce qu'il a été domestiqué, mais est-ce qu'on sait comment l'évolution s'est faite, comment on est passé des loups aux chiens? Alors sur ce point-là, on peut faire que des suppositions, puisqu'on n'était pas là pour voir, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un jour l'homme qui a décidé d'attacher le loup et d'essayer de le domestiquer. J'en discutais avec Jean Le Sarre, qui est éducateur canin et qui devait animer une chronique mi-mars, une conférence pardon, sur la domestication du chien au Musée de la Civilisation, qui sera reportée en mai. Il me disait qu'il avait eu l'occasion d'approcher des loups dans son travail quand on joue avec des louveteaux, ils nous arrachent des cheveux. C'est difficile d'imaginer les femmes préhistoriques en train de tenter de domestiquer des louveteaux. Alors, en effet, ça s'est fait en fait progressivement dans les deux sens. C'est-à-dire que probablement qu'au départ, certains loups ayant un caractère naturellement, enfin même génétiquement, donc dans leur gène plus docile, donc moins peureux, se seraient approchés des campements d'hommes pour se nourrir de leurs déchets. Puis ces mêmes chiens se seraient reproduits proches des campements, donc laissant ensuite une descendance avec ces mêmes gènes chiens plus dociles, enfin de loups à l'époque, et abandonnant petit à petit la chasse pour se nourrir à partir des déchets, on aurait ainsi commencé à avoir les premiers chiens ou les premiers ancêtres de chiens. Puis la présence de ces entre loups et chiens aurait sûrement été profitable à l'homme pour plusieurs aspects. Peut-être qu'ils leur servaient de protection et d'alerte, parce que lorsqu'ils hurlaient, si un prédateur s'approchait, ça leur servait de protection donc contre les animaux sauvages autres que les loups. Puis, la véritable domestication a sûrement eu lieu lorsque les hommes se sont servis des chiens pour la chasse. Oui. Pour les aider notamment à repérer le gibier dans les forêts. Et ainsi, petit à petit, au fil des générations, parce qu'évidemment ça ne s'est pas fait d'un coup, le loup aurait évolué en chien. Alors la relation de départ, on pourrait presque la qualifier de mutualisme, puisque chacun profitait de l'autre. Exactement. Mais bon, on est passé dans une relation de domination de l'homme sur le chien, puisque dans la plupart des cas maintenant, c'est l'homme qui décide quand est-ce que le chien mange, qui contrôle sa reproduction, etc. Mais on sait que la relation homme-chien, elle est très particulière depuis longtemps. Les hommes se nourrissaient des chiens souvent, mais aussi des archéologues ont retrouvé des traces de chiens dans des tombes enterrées avec des outils de chasse. Ça montre qu'il y avait une certaine vénération, une certaine attention particulière envers cette espèce. Oui, et puis dans le fond, j'aime bien aussi qui domine qui. Oui, l'homme domine le chien, mais c'est le chien qui emmène promener son maître. Oui, en fait, on ne sait pas trop, je pense, dans certains cas. Mais quand même, quand on regarde toute la diversité des races canines, on peut se demander comment on est passé du loup au chihuahua ou au bichon frisé, par exemple. Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, la diversification des phénotypes, de l'ensemble des caractères des chiens tels qu'on peut l'observer actuellement, avec donc toute la diversité des races, ça s'est fait bien plus tard dans l'histoire. Une chercheuse française en paléogénomique, Morgane Olivier, elle me disait que cela s'est fait au cours des 300 dernières années. Donc si on dit que le premier chien a 15 000 ans, la diversification vraiment des races s'est faite dans les 300 dernières années. Et c'est la sélection artificielle. Donc c'est l'homme qui a contrôlé la reproduction et le croisement des chiens entre les différentes races en fonction de ses besoins. Si vous voulez des petits chiens pour aller sur des bateaux ou des chiens pour aller chasser, etc., il choisissait les caractères et il les faisait se reproduire. Voilà, on pourrait encore en dire beaucoup sur le fameux meilleur ami de l'homme. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visiter l'exposition Comme chien et chat, qui est ici au Musée de la Civilisation, donc jusqu'en septembre. Et puis, la conférence de l'éducateur canin Jean Le Sarre, dont je parlais tantôt, elle aura lieu donc au Musée de la Civilisation le 24 mai à 19h. Vous pouvez réserver d'ores et déjà sur le site internet du musée. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup, Hélène, pour nous mettre en appétit, pour en savoir plus encore et aller voir cette exposition et écouter Jean Le Sarre au Musée de la Civilisation. Merci beaucoup, Hélène. Merci.